إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Tout d'abord, je tiens à ce que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous réunir en ce mois béni qui est le mois de Ramadan, sur le cours duquel le Coran fut descendu. Comme Allah Azza wa Jal dit, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, celui au cours duquel a été descendu le Coran comme guide pour les gens, preuve éclair de la bonne direction et du discernement. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais me rappeler à moi-même et tout particulièrement à mes frères là-bas réunis dans l'une des demeures d'Allah. Le mérite des cercles et assises de rappel d'Allah et de science. Comme le prouve le hadith rapporté par Muslim, rahimallahu ta'ala, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, au shahid, c'est-à-dire la partie qui nous intéresse, « Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa ma jalasa qawmun fi bayt min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu baynahum, illa nazalat alimul sakina, wa ghashiyatumul rahma, wa khafatumul malaika. » C'est-à-dire que celui qui emprunte une voie par laquelle il recherche une science, c'est-à-dire une science légiférée, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Et il n'est pas de gens qui se rassemblent dans une demeure parmi les demeures d'Allah, ils y lisent le livre d'Allah et l'étudient entre eux, sans que la quiétude ne descende sur eux, que la miséricorde ne les recouvre et que les anges les entourent. De ce hadith, on comprend que cela est une route qui mène au Jannah. Comment cela ? Ibn Rajab, rahimallahu ta'ala, dit dans son livre « Jami' al-Ulum wa-Hikam » qui est un charh de Arba'in Nawawi, en expliquant cette parole-là, il dit « Inna Allah yujassiru li talib al-ilm idha qasada bi talabihi wajha Allah la'anna l'intifa' bihi wal'amala bimuktadahu yakun dhalika sababan li hidayatihi wa dukul al-jannah » comme yakun Allah subhanahu wa ta'ala « wa yazidu Allah lazina ahtadaw huda » c'est-à-dire que si Allah facilite à l'étudiant en science, celui qui recherche par ses études le visage d'Allah, et qui cherche à s'élever et appliquer les œuvres qui en découlent, cela serait une cause pour sa guider et son entrée au paradis. Et la parole d'Allah, lorsqu'il dit « وَيَزِدُ اللَّهُ لَذِينَ اَرْتَدَوْ هُدَى » et Allah accroît la rectitude à ceux qui suivent le bon chemin. Et bien que dans le hadith, il soit cité « Kitab Allah »« Ey Yatloun, Kitab Allah » qui lisent le livre d'Allah, c'est-à-dire que les gens de science expliquent que cela englobe également l'enseignement de toutes les sciences se rapportant au dîn. Toutes les sciences, quelles qu'elles soient. Cela n'est pas propre au Coran en soi, le livre seulement. Donc de là apparaît le mérite des assises dans les mosquées, pour le rappel. Comme le prouve également le hadith, présent dans les deux sahih, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, au shahid, c'est-à-dire la partie qui nous intéresse, « Innal malaika » يَتُوفُونَ فِي الْتُرُوكِ يَلْتَمِثُونَ أَلِ الذِّكْرِ que les anges circulent dans les chemins pour rechercher les gens qui font leur appel. C'est exactement le genre d'événement que nous partageons actuellement ensemble. C'est-à-dire, parmi les mérites de cela, que ces assises et ces rappels sont des causes d'entrée au paradis, d'une part, qu'elles ramènent la quiétude et la miséricorde, d'une autre part, et qu'elles attirent les anges. Et également, parmi les fruits du rappel d'Allah, « ذِكْرُ اللَّهِ » qu'Allah lui-même se rappelle de nous. Lorsqu'on se rappelle d'Allah, il se rappelle de nous. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, « Waskuruni yaskurkum » et rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Le rappel, yani dhikr, amène également à la paisibilité des cœurs. Comme le dit Allah, subhanahu wa ta'ala, « Allazina tatma'innu kulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innu l'kulub » ceux dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Regardez mes frères, à l'heure où les gens courent à droite à gauche pour trouver cette paisibilité par des moyens futiles, voire pire encore, haram, comme vous le savez très bien, constatez comment Allah vous a enseigné comment obtenir cette paisibilité, avec science, sans fatigue, et même en en tirer une récompense, bi-idhnillah. N'est-ce pas là un fait remarquable pour le muslim? Walhamdulillah. Il ne s'agissait là que d'une introduction avant d'entamer le sujet en soi, afin que nous ne soyons pas inattentifs face à ces choses qui peuvent paraître anodines. Walhamdulillah. Donc comme prévu, le sujet que j'aimerais évoquer avec vous ce soir est d'une importance primordiale. Il est une fondation sur laquelle se tient la religion de l'individu et fait partie des plus grandes adorations, une arzam ibadat. Et il s'agit du tawakkul. Ani at-tawakkul. C'est le fait de se remettre à Allah et de se reposer entièrement sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre: wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Et remets-toi en Allah, le vivant, qui est celui qui ne meurt jamais. Wa yaqulu Allah wa 'ala Allah falyatawakkal al-mu'minun. Et c'est en Allah que doivent se remettre les croyants. Wa yaqulu kadhalik jalla wa 'ala wa idha 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Et si tu prends ta décision, alors remets-toi en Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Et celui qui se remet à Allah, il le suffit. Et les versets sont extrêmement nombreux dans ce chapitre et ce sujet. Très nombreux. Tout d'abord, savoir qu'est-ce que At-tawakkul. At-tawakkul. Il lui a été donné de nombreuses définitions. Parmi elles, shal'an wa sidq i'timad al-qalb 'ala Allah fi istijlab al-manafi' wa daf al-madar. C'est-à-dire que ça, dans la terminologie religieuse, cela est la véracité du cœur dans la confiance en Allah, de s'en remettre à lui, dans l'attirance des choses bénéfiques et pour repousser les nuisances. Le tawakkul permet de pouvoir tirer profit des choses par le biais d'Allah et de repousser de nous les choses qui nous font du mal. C'est un sens que l'on retrouve dans le hadith rapporté par Tirmidhi, rahimahullah, selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Iza sa'alta fas'alillah. Et si tu demandes, alors demande à Allah. C'est-à-dire que tu t'en remets à lui, dans tes besoins, tout ce que tu attends, tu t'en remets à Allah. Le tawakkul est une adoration qui émane du cœur, min al-qalb. Car les adorations sont de différentes catégories. Il y a celles qui sont corporelles, liées au corps, comme la salat ou le siyam, par exemple. Il y a celles qui sont liées au bien matériel, à l'argent, comme la zakat ou la sadaqa, par exemple. Et celles qui sont liées au cœur, comme el khouf, la peur, ou l'espoir, al-raja. Et bien entendu, ce sur quoi nous parlons ce soir, al-tawakkul, qui ressort du cœur. Certes, les adorations en soi sont liées au cœur, toutes. Pas de doute là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que certaines d'entre elles, leurs rites et règles apparents ne sont liées à travers les biens. Certaines apparaissent à travers le corps ou à travers les biens. Et il y a d'autres adorations qui, elles, regroupent les différentes catégories. Mathalan, le hajj ou le zabh, le fait d'égorger, de sacrifier pour Allah. Par exemple, ces adorations, le hajj, demandent quoi? Capacité physique et bien matériel. Il faut être en mesure de faire le hajj. Et pareillement, pour égorger, il faut être en mesure de le faire. Avoir les moyens d'acheter la bête à immoler, et de pouvoir faire les rites comme il se doit. Donc de là, il nous reste à savoir également qu'est-ce que l'adoration. El-ibada. Qu'est-ce que l'adoration? La meilleure définition est celle qui fut donnée par Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit: El-ibada ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal-a'mal al-zahirati wal-batina. Que l'adoration est un mot d'ensemble qui regroupe tout ce que Allah aime comme parole ou acte apparent ou caché. Acte, une chose comprise, apparent, mais caché comme les intentions par exemple. Les kuffars, leur adoration ne se limite qu'à certains actes. Par exemple, le chrétien, sa principale, à dire adoration, son principal rite, c'est la messe le dimanche matin, par exemple. Il en a d'autres, mais celle-là c'est la plus connue. Mais dès qu'il sort de l'église, alors il devient comme tout le monde. Il fait tout ce qu'il veut, Son adoration ne se limite qu'à un temps précis et à un lieu spécifique, sans même être lié à l'intention. Chez eux, l'intention n'est pas prise en compte. Alors que le musulman, walilhamd, la base de toute chose et adoration chez lui, revient à quoi ? Al-niyya, son intention. Comme l'a dit Omar, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté dans les deux sahih, innama al-a'mal bin-niyya, que les actes ne valent que par les intentions. Les actes ne valent que par les intentions. Par exemple, un kafir qui a son travail se couche tôt avec l'intention de se lever tôt pour ne pas arriver en retard à son travail et ne pas arrêter son patron. Il ne veut pas mettre en colère son patron. Est-ce là une adoration ? Non, c'est une chose permise, quelconque, que tout le monde peut faire. Par contre, le muslim qui agirait de la même façon, qu'il se couche tôt par exemple, mais avec l'intention de se lever tôt le matin pour prendre le sahur, c'est-à-dire le repas avant de jeûner, ou pour ne pas arriver en retard à la salat du fajr, pour ne pas rater la salat à jama'a, la salat en groupe, ou alors qu'il souhaite se lever la nuit, faire qiyam al-layl, qu'il veuille se lever la nuit pour faire salat. Alors lui, sans que cela n'apparaisse aux yeux des gens, le fait qu'il se couche tôt avec cette intention est une adoration, il en est récompensé, bi'iznillah. Le muslim, avec sa simple intention, peut être dans une adoration continuelle, sans même que cela n'apparaisse aux yeux des gens. Quand je dis cela, moi, je parle des choses permises et non des adorations définies par les textes, bien sûr. Par exemple, celui qui va à la salat, chaque pas qu'il fait, il en est récompensé et perd des péchés. Walhamdulillah. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'une adoration. Mayal ibada. Mayal ibada. Qu'est-ce que l'adoration ? C'est tout ce que Allah dit qu'il aime, ou ordonne, ou interdit, ou recommande. L'application de cela est une adoration. Le fait d'appliquer ces choses-là est une adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Certes, Allah aime ceux qui se remettent à lui. Ce verset prouve quoi ? Qu'il s'agit là d'une adoration. Que le tawakkul est une adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est à Allah que vous devez vous en remettre si vous êtes croyant. Regardez, Allah a ordonné premièrement de s'en remettre à lui. Adoration. Mais également, il a même établi le tawakkul comme étant une condition d'iman, de la foi. Le tawakkul est une condition de validité de l'iman pour être un croyant, comme le disent les gens de science. Le tawakkul est parmi les conditions de l'iman. Où est la preuve de cela ? Dans sa parole, Subhana, quand il dit « In kuntum mu'minin » Si vous êtes croyant, Allah il a mis une condition. Les koufars, eux, n'ont pas de tawakkul, contrairement aux musulmans. Cheikh El-Fawzen, Hafizallahu Ta'ala, précise que même les gens ne sont tombés dans le shirk, et ce n'est que du fait qu'ils ne se remettent à autre qu'Allah. Ils se remettent à autre qu'Allah. Demandez-vous pourquoi ? Ils invoquent autre que Allah, ils sacrifient pour autre que Allah, ils ont peur d'autre que Allah, et espèrent d'autre que lui. Ils cherchent ici leur problème par des causes autres que celles qu'il a légiférées. Ce qui prouve quoi ? Qu'ils ne reviennent pas à lui. Naam. Et le tawakkul est parmi les caractéristiques propres aux croyants, aux mu'mines. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les croyants ne sont que ceux qui, lorsque Allah est cité, leur cœur frémisse, et que si ces versets leur sont récités, cela leur ajoute de la foi, et qui s'en remettent à leur Seigneur. Regardez, et qui s'en remettent à leur Seigneur. Donc, toi, le mu'min, tu recherches auprès d'Allah l'obtention des biens de tes attentes, qu'elles soient liées aux choses mondaines ou religieuses. Aux choses mondaines ou religieuses. Le tawakkul et la taqwa, c'est-à-dire la piété, sont deux piliers pour l'obtention des besoins, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Celui qui craint Allah et lui donne une issue et lui apporte sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Et celui qui s'en remet à Allah, il le suffit. Et toi également, tu sais que parmi les plus beaux noms d'Allah, il y a Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, c'est-à-dire le grand pourvoyeur absolu à la subsistance. Il faut savoir également, dans le tawakkul, que le simple fait de s'en remettre à Allah ne suffit pas pour une pleine application de ce tawakkul authentique. Le fait de s'en remettre à lui seulement et rester inerte ne suffit pas. il faut également faire des causes permises et légiférer, tout en s'en remettant à lui. Comme l'a dit Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, al-i'timad ala al-asbab shirkun wa tarkuha qadh fi al-sharia, que le fait de s'en remettre qu'aux causes, cela est du shirk. Celui qui prend les causes et n'en s'en remet qu'à elle, aura associé. Et le fait de délaisser ses causes, cela est une offense à la législation. Comme le font certaines personnes, surtout chez les soufis, qui disent que eux, ils ne font pas de causes, ils s'en remettent à Allah pleinement, qui sont meilleurs que les autres. Et cela est vraiment faux et un mensonge. Par exemple, si tu voulais un enfant, n'es-tu pas contraint de te marier ? Cela est une cause. Si tu voulais la science, devenir un da'i ou un alim, n'as-tu pas besoin d'apprendre ? Cela est une cause. S'il t'arrivait à combattre l'ennemi, tu dois être en mesure de l'affronter et de te protéger. Cela est une cause. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'aiddu lahum mastata'tum min quwwa » et préparez-leur ce que vous pouvez comme force. Et préparez-leur ce que vous pouvez comme force. Cela est une cause. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit de lui « Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana » vous aviez certes, par le message d'Allah, un bon exemple. Regardez, il était au sommet du tawakkul. Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, était au sommet du tawakkul. Le plus grand adorateur. Et pourtant, lors des combats, il portait des protections, casques, boucliers. Il était armé. Et il préparait des tactiques militaires pour combattre l'ennemi. Il faut savoir qu'il faut prendre les causes réalisables et permises et légiférer en toutes choses, sans excès ni négligence. La ifrat ou la tafrit. La ifrat ou la tafrit. Parmi également les preuves de cela, ce qu'a rapporté l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, sous Omar, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Law kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih, la razakakum kama yarzuku et ta'ir. Ta'gdu khimasan wa ta'udu bitana. » Si vous en remettiez Allah comme il le mérite, il vous donnerait votre subsistance comme il l'a donné à l'oiseau, qui s'envole le matin le ventre vide et revient le soir le ventre rempli. À bien comprendre de ce hadith, est-ce que cet oiseau est resté dans son nid, attendant son risque, sa subsistance ? Non, il s'en est allé pour trouver ses besoins. Et la sortie de son foyer est une cause, en soi, pour lui. Moi, là, je n'entame pas ici, yani, de parler des causes d'obtention du risque. Là n'est pas le sujet. Quelles sont les causes pour obtenir le risque ? Cela n'est pas le sujet, sera évoqué par un de nos frères dans les conférences à venir, bi'iznillah. Mais comme l'a dit notre shir, Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafizallahu ta'ala, dans son explication de Usul al-Salafa, que la chose qui a poussé la Ummah à tomber dans les transgressions multiples, et parmi elles, tashabbuh bil-kuffar, la ressemblance au kuffar, en premier lieu bien sûr c'est leur ignorance, mais surtout, qu'ils pensent qu'ils ne seront pas en mesure d'acquérir les biens de ce bas monde, si ce n'est en calquant les actes de leurs ennemis. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de muter les koufars dans ce qu'ils font pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Et également, ils s'imaginent qu'une réelle et concrète application de l'islam ne leur apportera que peu. Qu'il leur est obligatoire de faire des concessions en religion. Ils pensent qu'il est obligatoire de faire des concessions en religion pour obtenir ce qu'ils veulent. Un exemple, combien se rase la barbe ou rassemble les salats le soir ? Et autres, car ils se disent que cela leur empêchera d'obtenir leur subsistance, car ils perdront leur travail, que cela leur empêchera d'avoir un travail. Venir barbu, faire la salat à l'heure, cela est une chose qui restreint et annule les choix dans le travail, de trouver un emploi. Et combien, pareillement, mettent leurs enfants dans les écoles des koufars, à Ertilat, à mixité, ou que eux-mêmes, ils étudient, en vue d'obtenir quoi ? Un diplôme, pour obtenir, par la suite, les biens de ce bas monde. Ou alors certains ne veulent pas y aller, mais par contrainte des parents, ils y vont. Ou également d'autres, nasallallahu yarfou anhum, parmi ceux qui délaissent la hijra par peur de la pauvreté, ou qui ne subissent des problèmes. Cela est dû à quoi ? À une faiblesse de tawakkul, que le sujet n'est pas acquis, la chose n'est pas comprise. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, à propos de ce livre, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Roiba Fi, Houdan Lil Muttaqin. Alif Lam Mim, il s'agit du livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Regardez comment Allah indique comment trouver la guidée pour celui qui est pieux, dans son livre. Il dit également dans ce même livre, Waman Asdaqu Min Allahi Qila, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Car Allah, dans le Coran, a mis des promesses. Lui-même, il dit, subhanahu wa ta'ala, wa'adullahi haq. La promesse d'Allah est vérité. Et il dit, azza wa jal, wa man yattaqillah, yajallahu makhraja, wa yarzukum min haythu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah, fa huwa hasbu. Celui qui craint Allah, il lui donne une issue, et lui apporte sa subsistance, d'où il ne s'y attend pas. Et celui qui se remet à Allah, il le suffit. Donc comment douter après ces promesses du Seigneur des mondes, Wa'd Rabbil Alamin? Comment ne pas lui faire confiance? Regardez, il accorde la subsistance aux pires des créatures. Même ceux qu'il n'aime pas. Les shayatin, les mushrikin, les juifs, les chrétiens, les mécréants et pervers en tout genre. Même les animaux, parmi les plus bas animaux, comme le porc ou le chien, les rats, les cafards. Tous, il leur accorde leur subsistance. Alors que dire de celui qui l'adore, Allazi Arbodo, qui l'unifie, Allazi Wahido, et celui qui lui obéit, Allazi Uti'u? Jamais. Il n'est inimaginable que Allah puisse l'abandonner. Nous disons même que ce Tawhid, cette foi, cette obéissance, ces adorations, sont des causes pour qu'Allah donne la suprématie à ses serviteurs sur terre. Comme il le dit lui-même, subhanahu wa ta'ala, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ليبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah a promis à ceux qui ont cru d'entre vous et font des bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qu'ils ont précédés. Il leur donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Et il leur changera leur ancienne peur en sécurité. Et dans le sens, il dit, comment cela peut arriver? Il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Quelles conditions a-t-il mis Allah? Il a dit qu'il faut l'adorer et ne rien lui associer. Et tout ce qu'on a cité auparavant rentre dans l'adoration. Voilà ce qu'Allah a promis à sa Ummah, s'ils appliquent son ordre. Et pourtant, combien veulent obtenir le pouvoir, soi-disant pour instaurer l'islam sur terre, et passent par quoi? La démocratie, les élections, et on en passe parmi les choses qui s'opposent à cette noble religion. Et à la finale, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Rien. Ils n'obtiennent rien du tout. Juste un rabaissement et une humiliation devant les ennemis d'Allah, devant les koufars. Wallah al-musta'an. C'est tout ce qu'ils obtiennent. Nas'alallah an yusliha al-umur. Et avant de terminer, j'aimerais évoquer certains mérites du tawakkul, certains points profitables pour le serviteur, mais de façon résumée, car en réalité, ils sont extrêmement nombreux. Awalen en premier, tawakkul ibada, c'est une adoration. Aimer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle engendre quoi? L'amour d'Allah pour celui qui l'accomplit. Et les preuves ont déjà été citées au début, walhamdulillah. Ka fi qawlihi, inna Allah yuhibbu mutawakkilin. Certes, Allah aime ceux qui s'en remettent à lui. Thaniyan, deuxièmement, tawakkul, c'est une cause d'entrer au paradis sans rendre le compte ni subir le châtiment. Comme cela fut rapporté dans les deux sahih, dans un hadith selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ruridat alayya al-umam, faraytu al-nabi ma'ahu al-ruhayt, wa al-nabi ma'ahu al-rajul aw al-rajulan, wa al-nabi laysa ma'ahu ahad, iz rufi'a li sawadun azim, fa zanantu annahum ummati, fa qila li hadha Musa wa qawmuhu. ولكن انظر الى الافق فاذا سواد عظيم فقيل لي انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل من منزله فحاض الناس اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. Des communautés me furent exposées et je vis le prophète en compagnie d'un groupe de moins de 10 hommes. Le prophète accompagné de 2 ou 3 hommes. Et le prophète seul sans personne. Puis un groupe immense de gens me fut montré. Je pensais qu'il s'agissait alors de ma communauté. Mais il me fut dit, c'est Moussa sa communauté. Cependant, contemple vers l'horizon. J'y aperçus soudainement une immensité de gens. Il me fut dit alors, regarde à l'autre extrême. Et soudainement, j'ai vu une immensité de gens aussi. Et il me fut dit, voilà ta communauté, et avec eux, 70 000 qui entreront au paradis sans rendre le compte, ni subir de châtiment. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et entra dans sa demeure. Les gens se mirent alors à parler au sujet de ceux-là qui rentreront au paradis sans rendre le compte ni subir le châtiment. Certains dirent, peut-être qu'ils sont ceux qui accompagnèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres dirent, peut-être qu'ils sont ceux qui sont nés en islam et n'ont rien associé à Allah. Ils évoquèrent différentes choses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit vers eux et leur demanda, de quoi parlez-vous? Alors ils en informèrent. Et il dit, ils sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, ni ceux qui usent de tatayyur. Tatayyur, c'est le fait de croire au mauvais présage. Le fait de croire au mauvais présage. Et également, ceux qui s'en remettent à leur Seigneur. Ceux qui s'en remettent à leur Seigneur. Regardez le hadith prouve quoi? Qui entreront au paradis, sans hisab et sans azab. Naam. C'est un mérite énorme. Et également, parmi les mérites de tawakkul, yani rabi'an, qu'il protège de shaitan et apporte la guidée et la protection. Comme le prouve le hadith rapporté par Abu Daoud rahimallahu ta'ala et autres, selon Anas, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Man qala yani zi kharaja min bayti bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah fayuqalu lah hadayt wa kafayt wa waqayt wa tanaha anhu shaitan wa zada Abu Daoud فيقول يعني الشيطان شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Celui qui dit, c'est-à-dire en sortant de chez lui, Bismillah, au nom d'Allah, tawakkaltu ala Allah, je me remets à Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, pas de capacité ni de force ce n'est pas Allah. Il lui sera dit, tu as été guidé, préservé et protégé, et shaitan s'écarte de lui. Et dans un ajout, apporté par Abu Daoud, rahimallah, il dit que Shaitan dit à notre Shaitan, c'est-à-dire à propos de celui qui a fait ce doua en sortant de chez lui, et quelle emprise auras-tu sur un homme guidé, préservé et protégé? Regardez un peu le fadl du tawakkul. Khamisan, cinquièmement, il est une des principales causes d'obtention du risque pour obtenir la subsistance, comme l'ont démontré les preuves précédemment citées. À l'exemple du hadith de l'oiseau qui sort de chez lui. Sadisan, tawakkul, il augmente le courage face aux épreuves et aux ennemis. Comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Ceux à qui les gens dirent, certes les gens se sont rassemblés contre vous, alors craignez-les. Cela leur rajouta alors la foi et dirent, Allah nous suffit et quel bon garant. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporta selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, que le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, a dit que les dernières paroles prononcées par Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Ibrahim, imam al-Tawhid, lorsqu'il fut jeté au feu, qu'est-ce qu'il dit en dernier? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, qu'Allah me suffit et quel bon garant. Il s'agit là d'un sujet extrêmement vaste, méritant bien plus, car, bien sûr, le tawakkul est lié également au sobre, à la patience, que le serviteur arrive à supporter ce qui lui arrive et qu'il arrive à attendre ce qui doit lui arriver. Également, et cela est lié à la suffisance, al-iffa, qu'il se contente de ce qu'il a, qu'il n'en veuille pas trop et qu'il n'en veuille pas plus, bien entendu. Également, cela est lié à yaqin, la certitude. Et surtout, cela est lié à quoi? Au qadar, au destin, qui ne lui arrivera que ce que Allah lui a prédestiné et décrété. Mais ces points-là, bien sûr, sont encore plus longs à entamer, donc ça ne sera pas pour ce soir-là. Je m'arrête là et je dis que si jamais j'ai vu juste dans mes paroles, alors cela provient d'Allah. Cela ne provient que d'Allah seul. Si jamais j'ai fauté ou autre, alors cela ne vient que de moi ou de Shaitan. فنسأل الله أن ينفع بما قلنا الإسلام والمسلمين فصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.